est-il à ce point exigeant que Jésus-Christ ne fait même plus partie de vos plans? N'essayez pas de blâmer qui que ce soit. Comment pouvez-vous être satisfait quand vous savez exactement ce que vous devriez faire et que vous ne le faites pas? Vous ne témoignez à personne de Jésus-Christ? Cette preuve vous aiderait-elle à admettre que quelque chose ne va pas? Je vous le demande. Êtes-vous prêt à admettre que quelque chose ne va pas? Je peux vous affirmer que l'apôtre Paul n'avait pas ce problème. Il ressentait une obligation et même le besoin de bien accomplir la tâche que le Seigneur lui avait confiée. Et il disait, « Malheur à moi si je ne le fais pas. » Nous pouvons commencer notre lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 18. « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. » L'apôtre Paul réfutait avec vigueur l'accusation selon laquelle il prêchait pour l'argent. Il refusait d'ailleurs l'argent des Corinthiens pour ne pas attiser de telles insinuations et servir de cible aux hypocrites. Poursuivons notre lecture, verset 19. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Concentrons-nous sur la deuxième partie de ce verset. Toujours le verset 19 du chapitre 9 de 1 Corinthiens. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. En dehors de son ministère, Paul était un fabricant de tentes. Il ne voulait dépendre de personne afin de conserver sa liberté d'action. Il se considérait un apôtre de Jésus-Christ et il ne voulait pas être redevable à quelqu'un. Paul nous parle donc premièrement de l'approvisionnement du ministère qui incombe à l'Église. Et deuxièmement, il nous explique la grande pression à laquelle le serviteur de Dieu est soumis pendant l'exercice de son ministère alors qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Cela implique, entre autres, l'obligation de veiller à son témoignage. « Je ne mettrai mon témoignage en péril devant vous, et je travaillerai à l'extérieur pour subvenir à mes propres besoins afin d'éviter d'être critiqué par vous. » Paul déclare donc que la nécessité d'annoncer l'Évangile lui est imposée par Dieu. Il se sent pressé d'agir, d'obéir à Dieu. C'est sa volonté. Paul est inondé par ce sentiment urgent de gagner d'autres âmes à Christ. C'est sa responsabilité, sa passion, son fardeau. Et il est disposé à faire tout ce qu'il pourra pour conduire à Christ ceux qui ne le connaissent pas encore comme leur Sauveur et Seigneur. Troisièmement, il nous entretient d'un autre sujet dans ce passage, la discipline personnelle à l'intérieur du ministère. Ce dernier sujet est le plus important car il concerne directement tous les croyants. Commençons au verset 24 de 1 Corinthiens chapitre 9. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » La couronne corruptible est une couronne de laurier. Les athlètes se disciplinaient, s'entraînaient, travaillaient et peinaient pour ne recevoir, s'ils étaient déclarés vainqueurs, qu'une couronne de feuilles. Continuons notre lecture au verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Nous allons nous attarder sur le mot « désapprouvé », car ce mot est très, très important. Il s'agit d'un des mots les plus forts dans la Bible pour parler du rejet. Mais revenons d'abord au verset 24. Bien que la discipline personnelle dans le ministère s'applique à tous, nous parlons encore ici surtout de ceux qui servent le Seigneur à temps plein. Premièrement, nous faisons face à un défi. Verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Il est important de comprendre que le prix dont il parle ici n'est pas le salut, mais plutôt une récompense réservée à un serviteur fidèle. L'apôtre Paul dit que nous courons tous, même si certains d'entre nous ne semblent pas toujours courir très fort, n'est-ce pas? Effectivement, certains semblent plutôt se promener. Regardons maintenant la dernière partie du verset 24. Courez de manière à le remporter. L'apôtre Paul tente de nous faire comprendre que si nous voulons servir le Seigneur, nous devons y mettre tout notre cœur. Ne vous contentez pas de venir à l'église de temps à autre, quand cela vous convient, pour vous asseoir sur un banc, écouter une prédication, retourner à la maison et oublier tout de la vie chrétienne pendant une autre semaine, voire même deux ou trois. Si vous avez fait confiance en Jésus-Christ comme votre Sauveur, et si vous vous êtes sérieusement engagé envers lui pour l'éternité, Paul nous propose ici, à vous comme à moi, un défi. Si vous avez pris la décision de courir, courir pour gagner, pas seulement pour participer ou prendre un peu d'air, courez pour gagner en vous efforçant de mettre à contribution tout le potentiel que Dieu a placé en vous. Et si vous courez de manière à remporter la récompense que le Seigneur a prévue pour vous lorsque vous vous tiendrez devant lui, vous ne serez pas déçus. Servez le Seigneur avec tout votre cœur. Courez pour gagner. Nous devrions tous le servir avec un but bien défini et déterminé. Verset 25 d'1 Corinthiens chapitre 9. Tous ceux qui combattent, qui participent à la compétition. Dans le texte original grec, le mot traduit pour combattre est agonizomai. Cela signifie aussi lutter. Tous ceux qui luttent et se livrent une compétition dans les jeux, verset 25, s'imposent toute espèce d'abstinence. Paul a soigneusement choisi son illustration. À Corinthe, ce genre de compétition d'athlétisme était pris très au sérieux. Dans cette ville, des jeux imposants étaient organisés tous les 3 ans. Ils n'étaient surpassés dans leur envergure que par les Jeux olympiques d'Athènes, qui ont servi de modèle à nos propres Jeux olympiques modernes. Quiconque désirait participer aux compétitions des Jeux de Corinthe devait donc s'astreindre à un régime d'entraînement sévère pendant 3 ans. Réfléchissons à tout cela et cherchons à l'appliquer à notre vie. Prenons l'exemple d'un de nos athlètes aujourd'hui. Il s'entraîne semaine après semaine. Il court dans le froid, il court dans la chaleur étouffante jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer ni faire un pas de plus. Il s'entraîne et s'entraîne. Il court et il court. Tout cela afin de mériter peut-être une médaille d'or. Et à nous qui possédons Jésus-Christ dans notre vie, Paul nous dit que nous participons à une course. Que faisons-nous de cela? Vivons-nous une vie disciplinée avec une direction et un but bien défini? Essayons-nous d'accomplir quelque chose? Laisserons-nous des traces qui feront une différence dans la vie d'une autre personne? Ou vivons-nous avec pour seul objectif nos propres intérêts? Gagner de l'argent, dépenser de l'argent, investir de l'argent, vivre une retraite dorée alors que Dieu a pour nous un but qui en vaut la peine? Notre vie devrait être excitante parce que si nous vivons, la vie d'une autre personne devrait s'en trouver meilleure. Cette personne devrait être encouragée et édifiée. Amen. Cependant, si cela n'est pas vrai, Dieu ne devrait-il pas nous rappeler à lui dès maintenant? Pourquoi nous laisser si bas en investissant soleil et pluie en plus de toute cette aide et de tous ces conseils qu'il nous prodigue, si cela ne sert pas à améliorer le sort des gens qui nous entourent? Ces athlètes s'entraînaient donc pendant 3 ans. Ils s'entraînaient et ils couraient sur la piste jusqu'à épuisement complet. Et progressivement, ils étaient en mesure d'augmenter leur résistance à la fatigue et à se sentir plus détendus pendant qu'ils couraient. Qu'en est-il de nous, les croyants? Le monde nous dit de faire ce qui est agréable, plaisant et ce qui nous convient. Le monde nous murmure, « Faites ce qui vous plaît, quand cela vous plaît et comment cela vous plaît. » Et eux, ils s'entraînaient pendant 3 ans. Pourquoi? Pour avoir une chance de gagner une couronne de feuilles de laurier. C'était leur seule récompense pour 3 ans d'efforts. Et encore, il fallait qu'ils gagnent leur course. Il y avait parfois d'autres récompenses pour le gagnant, en plus de la couronne de laurier, mais la plupart du temps, c'était tout. Or, En ce qui nous concerne, je crois que Dieu essaie de faire quelque chose, mais il ne nous forcera pas à le faire. Nous devons être disposés à le laisser agir dans notre vie. Et ce rôle nécessite un engagement et une discipline de notre part. Pourtant, beaucoup de chrétiens veulent une vie confortable, plaisante et facile. Ils désirent venir dans une jolie église qui possède un bon système d'éclairage et un bon système sonore. Ils veulent aussi être confortablement assis. Ils veulent entendre une bonne prédication tirée de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas de cette théologie libérale, seulement quelque chose de bien qui ne leur demandera pas trop d'efforts, de réflexion et d'études. Ils désirent la parole de Dieu, directe et facile à comprendre. Très bien, mes amis. Je suis prêt à assumer ma part de responsabilité. Je vous communiquerai la vérité de l'Évangile avec toute l'énergie qui fait battre mon cœur. Mais êtes-vous prêt, de votre côté, à utiliser cette vérité et à l'appliquer dans votre cœur afin de pouvoir mieux servir le Seigneur? Car si vous ne l'êtes pas, je ne suis pas responsable de ce que vous ferez des vérités dont je vous parle. Vous serez les seuls responsables devant Dieu. Et je dois constater que les croyants aujourd'hui mènent une vie indisciplinée. Et ils se demandent ensuite pourquoi Dieu semble distant. Ils se demandent pourquoi il ne fait rien de surnaturel. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul au verset 25 d'1 Corinthiens chapitre 9. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Verset 26. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. » Il veut dire qu'il ne vit pas sans but. Toujours le verset 26. « Je frappe, non pas comme battant l'air. » Les coups infligés sont efficaces. Dans ces deux versets, Paul nous rappelle que nous avons besoin d'être dirigés et d'être efficaces dans notre vie chrétienne si nous souhaitons que nos efforts pour servir Dieu soient fructueux et productifs. Toujours le verset 26. « Je frappe, non pas comme battant l'air. » Et lorsque nous devons nous battre dans une compétition de boxe olympique, ne nous contentons pas de battre l'air. Ensuite, au verset 27. « Mais je traite durement mon corps. » Paul souligne ici qu'il soumet son corps à une stricte discipline. Il surveille son corps. Il rajoute, toujours le verset 27, « Et je le tiens assujetti. » Il faut bien comprendre que Paul ne parle pas ici de son apparence physique ou de régime minceur, même s'il est vrai que les gens sont parfois assujettis à leur appétit, des excès de nourriture et de boissons, par exemple. Or, il a découvert que, s'il voulait accomplir la volonté de Dieu, il devait tenir son corps assujetti. Écoutez attentivement la deuxième partie du verset 27. « De peur d'être moi-même désapprouvé, déclaré disqualifié, après avoir servi le Seigneur et prêché aux autres. » Regardons le mot « désapprouvé ». J'ai été très étonné d'apprendre la signification exacte de ce mot. Dans la langue originale du Nouveau Testament, le grec, le mot « dokimos » signifie « approuver ». Il était utilisé lorsqu'une personne était soumise à un test, et si elle passait le test, elle était « dokimos », et donc « approuvée ». Cela voulait dire que ses notes étaient suffisamment élevées. Aussi, quand vous êtes tenté, et si vous résistez, vous serez aussi approuvé. Par contre, le contraire de ce mot est « adokimos », qui se traduit par « désapprouvé » ou « disqualifié ». Or, il existe une autre façon de le traduire, ce qui m'a vraiment surpris, car je ne sais pas comment j'ai pu rater cette traduction pendant si longtemps. Il s'agit du mot « réprouvé ». Ce mot est le qualificatif le plus fort employé par Dieu pour désigner le rejet. Lorsque Dieu dit qu'un homme est affligé d'une pensée réprouvée, cela signifie que cette pensée a rejeté Dieu et que cet homme est donc lui-même rejeté par Dieu. Et que fait Dieu de cet homme? Il le renvoie dans sa fange. Il le laisse en proie à ses instincts. Tout le chapitre tourne autour de ce thème et c'est pourquoi nous devions l'étudier dans son ensemble. L'Église doit assumer les responsabilités du ministère, et le serviteur de Dieu qui œuvre à temps plein dans le ministère est pressé de toutes parts. Pour faire face à ce stress, il doit maintenir une discipline personnelle et continuer à assujettir son corps, Et même si ce conseil s'applique d'abord aux serviteurs de Dieu qui œuvrent à temps plein dans le ministère, il est également valable pour tous les croyants à des degrés divers. Lorsque Paul parle d'assujettir son corps, il veut mentionner que le corps doit être soumis à l'Esprit de Dieu. Le corps doit être assujetti à l'Esprit, mais l'Esprit ne doit jamais être assujetti au corps. Une sensualité sans frein exprime l'assujettissement de la personne entière à son corps. Il en est de même pour la boulimie ou tous ces autres excès qui rendent l'esprit esclave du corps. Dieu, par contre, veut nous former à son image et à sa ressemblance. Ici, nous ne parlons pas du corps physique, mais de l'assujettissement de tous nos appétits, non seulement ceux qui concernent la nourriture, mais aussi tous les autres, peu importe leur nature. Nos appétits doivent être donc soumis à l'esprit. Paul nous exhorte à courir de façon à remporter le prix. Si je veux appliquer cette directive à ma vie, je dois courir en vue d'un objectif et sans jamais dévier du parcours. Je dois également entraîner mon corps et le garder sous discipline, pas parce que j'ai peur de Dieu, mais parce que je ne veux pas, quand je me tiendrai devant lui au jour du jugement, qu'il examine ma vie et me dise « désapprouvé ». Cela ne veut pas dire que je pourrais perdre mon salut, mais Dieu pourrait rejeter ma vie de service. Pensez-y. Vous pourriez vivre 50, 60, 75 ans de vie chrétienne, tout au moins la plupart du temps, et lorsque vous paraîtrez devant Dieu un de ces jours, il vous dira « disqualifié, désapprouvé, réprouvé ». Malheureusement, il semble que plusieurs ne se préoccupent pas outre mesure d'un temps qui leur apparaît très éloigné. Mais je dois vous rappeler que Dieu peut désapprouver un homme ou une femme. Et rien ne l'oblige à attendre le jour du jugement. On peut se faire disqualifier dans la vie présente. En fait, je peux vous dire qu'un nombre considérable de saints sont déjà mis sur la sellette par Dieu. Ils sont libérés et réintègrent le service. Mais en attendant, ils ne portent pas de fruits. Ils n'ont pas de puissance, pas d'onction. Et ne constatent aucun résultat dans leur vie. Ils végètent. Je dois vous poser cette question. Existe-t-il quelque chose au monde qui vaille la peine de risquer d'être désapprouvé par Dieu? Pouvez-vous imaginer Dieu vous dire « Je rejette ton service »? Je vous le répète, nous devrons tous un jour nous tenir devant Dieu pour recevoir son jugement. Et je n'ai qu'un désir, la force et l'élan de mon cœur est de voir Dieu accomplir quelque chose dans votre vie, ce qui vous permettra d'atteindre votre plein potentiel. Dieu vous a créé, il a investi en vous des dons et des talents, et il n'a qu'un but en vous faisant vivre votre situation présente, toutes celles qu'il a permises dans votre passé et toutes celles qu'il permettra jusqu'à ce qu'il vous rappelle à lui. Que vos circonstances soient bonnes ou mauvaises, elles vous permettront d'actualiser dans cette existence le potentiel pour lequel vous avez été créé si seulement vous demandez à Dieu son conseil. Lorsque Dieu vous a créé, avec vos dons et vos possibilités uniques, il avait une vision et un objectif pour votre vie. Et votre vie pourra être pleine, satisfaisante et heureuse seulement si vous suivez le parcours qu'il a planifié pour vous et que vous atteignez le but qu'il a fixé. Et laissez-moi vous dire, avec toute la sincérité de mon cœur, que si Dieu n'avait rien planifié pour votre vie, je ne ressentirais pas toute cette pression qui me force à vous parler comme je vous ai parlé aujourd'hui. Le Seigneur ne m'aurait pas poussé à agir et il ne m'aurait pas donné autant de compassion pour vous s'il n'était pas en train de travailler sur vous. Je vous pose une dernière question. Que faites-vous de votre vie? Participez-vous à la course pour gagner ou vous contentez-vous de vous promener plus ou moins sur le parcours? Et lorsque vous vous tiendrez devant votre Créateur et qu'il considérera votre vie, quel mot entendrez-vous? Approuvé ou disqualifié pour la récompense? À vous maintenant d'agir en conséquence. « Le langage employé aujourd'hui par Charles Stanley était très direct, et même peut-être un peu dur. Était-ce parce que, comme beaucoup d'entre vous, on m'a trop menacé pendant ma jeunesse des flammes éternelles de l'enfer que je ressens ce sentiment? Ou est-ce que, dans ce monde qui prétend tout nous donner sans grands efforts de notre part, la notion de gratification à retardement n'est guère séduisante? Une chose me paraît cependant claire. Ce n'est pas le dégoût ou le mépris, mais bien l'amour et le souci sincère de nous voir mener une vie pleine et féconde qui a poussé Charles Stanley à nous parler ainsi. Car il est inutile de se leurrer. L'excellence a un prix. Et si le monde est prêt à souffrir des privations, à faire des efforts considérables et à s'astreindre à une discipline de fer pour gagner, l'un beaucoup d'argent, l'autre une médaille d'or olympique ou autre chose, nous, qui avons déjà goûté à l'intense bonheur d'être aimés par notre Seigneur Jésus-Christ, comment pourrions-nous être de reste? Nous, croyants, connaissons plus que quiconque le combat sans merci que se livre à l'intérieur de chacun de nous notre esprit et notre chair. Car, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 7, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Nous savons tous que la vie chrétienne est un combat contre nous-mêmes, un marathon de natation à contre-courant du monde. Et si notre esprit ne domine pas notre corps, c'est ce dernier qui subjuguera notre esprit, ce qui est mauvais. Il est important pour nous de participer à la course de la vie pour gagner. Mais cela ne veut pas dire que le fait de gagner le marathon spirituel nous fera mériter les applaudissements de notre entourage. Cependant, cela veut effectivement dire que nous recevrons de la part de Dieu la paix et l'approvisionnement dont nous aurons besoin pendant notre course. Le message de Charles Stanley nous encourageait aujourd'hui à nous appuyer sur la calme assurance que la récompense de notre fidélité nous attend à la ligne d'arrivée. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.